nous notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous avons un Dieu qui est grand, qui est redoutable, qui est tout-puissant. Son nom s'appelle El Shaddai. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire que rien ne lui est impossible. Je parle à toi. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi ne crois-tu pas que Dieu est capable de résoudre ton problème? Pourquoi regardes-tu à la grandeur de ta maladie? Pourquoi considères-tu ce que les médecins ont dit? Regarde à la puissance divine. Crois qu'El Shaddai est capable d'intervenir encore dans ta situation. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Jean chapitre 11, 39 à 44. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Nous allons lire Jean chapitre 11, 39 à 44. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus, levant les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes et les visages enveloppés d'un linge, Jésus leur dit, « Déliez-les ! Et laissez-les aller. Amen. » Nous allons partager 3 grandes vérités dans ce passage. Première vérité, c'est que nous devons ôter nos pierres. Vous voyez, la pierre symbolise tout obstacle qui empêche la main de Dieu d'agir dans ta vie. Lazare était mort dans le tombeau. Mais Jésus a dit à ses sœurs, Marie et Marthe, ôtez la pierre. La pierre représente aujourd'hui l'incrédulité. Je vais parler à toi, mon frère. Dieu est capable d'agir. Il y a longtemps que le Seigneur t'a fait des promesses. Mais il y a une pierre. Tu es incrédule. Cette incrédulité empêche Dieu d'agir dans ta vie. Il y a la pierre du péché. Tu vis encore dans l'ivrognerie. Tu fumes encore. Je vais parler à un frère. Est-ce que tu sais que la cigarette te rend esclave? Tu continues à le faire en cachette. Je parle à un monsieur, regarde, ta femme t'a déjà surpris avec la cigarette. Tu gagnes quoi en fumant? Est-ce que tu sais que ça détruit ta santé? Tu trompes ta femme. Ça, ce sont des pierres qui empêchent. Et pourtant, tu atteins une lettre de nomination. Tu dis que voilà, le ministre devrait déjà signer ta lettre. Mais toi-même, tu constitues l'obstacle. Parce que tu ne vis pas une vie propre. Tu vis dans la duplicité. Tu vis dans la débauche. Ça, ce sont des pierres. Dieu te dit, ôte la pierre. Si tu veux voir la manifestation de la puissance divine, il faut ôter cette pierre-là qui empêche la main de Dieu d'agir dans ta vie. Deuxième vérité, le Seigneur te donne une promesse, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, il y a 2 verbes qui se suivent ici, croire et puis voir la gloire de Dieu. Mais le verbe croire doit précéder le verbe voir la gloire de Dieu. Il dit, si tu crois, c'est au conditionnel. Ça veut dire que la foi, c'est un déclencheur de la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends? Mais ici, la foi, ce n'est pas une foi théorique, c'est une foi dynamique, une foi active. Lorsque tu as la foi, tu vas mettre en application la parole de Dieu, tu vas obéir à Dieu. Regardez ici, Lorsque Jésus a dit « ôtez la pierre », ils ont commencé à discuter. Il sent déjà, je vais dire à quelqu'un, même si ta situation semble déjà pourrir, c'est-à-dire sur le plan humain, tu te dis que ça, on ne peut plus récupérer. Ton dossier a du travail. Je vais parler à une femme. Ça fait longtemps que tu poursuis ton dossier de dédommagement. On devrait te dédommager plusieurs millions. Ça fait plus de 10 millions. Je prophétise que cette année, si tu crois, si tu ôtes la pierre, tu obéis au Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Ton argent sera débloqué. Même c'est lui-même qui combattait, qui bloquait ton dossier. Dieu va le déplacer. Et tu sauras qu'il y a un Dieu qui s'appelle Yahvé-Tchikenou. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, une fois dynamique, obéie. Quand Dieu te dit, fais quelque chose, tu le fais. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette année, en ce début d'année, tu dois poser un acte de foi, un acte qui démontre ta foi, qui va engager l'Éternel, ton Dieu. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi doit être démontrée en pratique. C'est une démonstration. Si Dieu, par exemple, te dit, donne un montant, même si ce montant semble être élevé, pour soutenir l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que Dieu te donne une opportunité pour voir sa gloire, pour voir sa bénédiction. Alors, agis maintenant. Pose cet acte de foi. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne sois pas incrédule. C'est notre foi qui déclenche cette gloire de Dieu-là. Crois que la maladie dont tu souffres, tu peux être guéri. Tu verras la gloire de Dieu. Lazare a fait 4 jours dans le tombeau. Oui, selon les humains, après 4 jours, quelqu'un, il sent déjà parce qu'on ne peut plus rien faire. Parce que le corps est en putréfaction. Oui, peut-être que tu ressembles à Lazare. Ta situation semble pourrie, mais le Seigneur te demande tout simplement d'avoir la foi pour voir la gloire de Dieu se manifester. Troisième vérité, sache que Jésus a le pouvoir de faire sortir ton Lazare du tombeau. C'est quoi ton Lazare? Ça peut être ta propre vie, tu ressembles à un Lazare. Il y a les sorciers qui t'ont bloqué quelque part. Je te parle à une jeune fille. Oui, les sorciers t'ont mis quelque part. On dirait qu'on t'a mis dans Canary. Il y a même quelqu'un qui t'a déjà dit qu'on t'a mis dans bouteille. On t'a mis dans Canary et que personne ne peut se marier dans votre famille. Je déclare que maintenant, ces Canary où on a mis ton esprit se brise maintenant au nom de Jésus. Et confesse là où tu es que ces Canary se brisent. Ces Canary se brisent maintenant au nom de Jésus pour que ton Lazare sorte, pour que ta vie sorte, pour que ton mariage, là on l'a mis dans un tombeau, sorte, pour que ton travail, pour que la fécondité sorte. Oui, on l'a mis dans un tombeau. Ton Lazare sortira du tombeau parce que Jésus a le pouvoir de faire sortir ton Lazare de la tombe. Il dit une seule parole et la chose s'accomplit. Lorsqu'ils ont ôté la pierre, regardez ce que la Bible nous dit. Le verset 43, on dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Jésus peut parler à ton Lazare. Il dit, Lazare, sors. Je vais parler à une vieille. Il y a ton fils qui est à l'extérieur du pays, qui te fait des soucis. Parce qu'on t'a dit qu'il devient drogué. On te dit qu'il ne fait rien. Il est dans une bande de gens qui sont ivrognes, des magouillards. Oh, mais ça te fait des soucis. C'est ton fils là, il est comme Lazare. On l'a mis dans un tombeau. On l'a mis dans un cachot. Oui, mais crois. Commence à prier. Tu vas prendre 3 jours de jeûne pour ton fils là. Et le Seigneur va le délivrer. Jésus a le pouvoir de dire à ton fils, sors de ce tombeau. Sors de cette situation. Sors de l'ivrognerie. Sors de la sorcellerie. Oui, j'ai dit à une famille, votre fille, on l'a ensorcelée. Votre fille, on lui a fait manger des choses bizarres. Et vous commencez à voir des choses que votre fille fait à la maison. Ce sont des trucs bizarres. Jésus est capable de la faire sortir de ce tombeau là. Il est capable de dire, sors de ce tombeau, sors de ce lien de sorcellerie, sors de ce lien de fétichisme et il va sortir. Lorsque Jésus a dit Lazare sort, la Bible nous dit, et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez aller. Quel est ton Lazare cette année? Il va sortir de ton tombeau. Ton Lazare va sortir. Peut-être que c'est la situation de ta voiture. Je vais parler à un couple. Vous aviez une jolie voiture et votre voiture a fait un grand accident. Ça vous a fait de la peine. Vous vous demandez si c'est possible. Je veux vous dire, cette année, Dieu va faire sortir votre Lazare du tombeau. Il va vous remplacer une nouvelle voiture. Le diable a cru vous faire du mal, oui, en provoquant cet accident. Mais cette année, l'Éternel vous promet une voiture glorieuse, une voiture merveilleuse. Oui, l'Éternel, il va faire sortir votre Lazare du tombeau et vous allez le louer. Et vous allez le glorifier. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que ce matin, nous puissions tous ensemble glorifier ce Dieu pour ses promesses, car il est un Dieu capable. Chantons ces cantiques pour son honneur. Alléluia. Élevons tous ensemble nos voix pour commencer à bénir l'Éternel. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Il est le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Élevons nos voix. Sois béni, Éternel, notre Dieu, toi qui veux que nous puissions ôter la pierre de l'incrédulité de nos vies. Sois béni, Seigneur, toi le Dieu qui nous délivre de tout obstacle qui empêche à ce que ta main puisse nous toucher profondément. Oh, sois magnifié, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu qui dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Oui, Seigneur, merci de manifester ta gloire maintenant dans la vie de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Manifeste ta gloire dans nos vies, ô Père. Merci de déposer maintenant la foi dans nos cœurs, la foi qui transporte les montagnes, afin que les situations, même les plus difficiles, soient résolues au nom de Jésus. Merci pour l'obéissance que tu déposes maintenant dans le cœur. Nous bénissons ton nom, Éternel, notre Dieu, toi le Dieu capable de délivrer, le Dieu qui soutient et qui bénit. Reçois en ce moment la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que notre émission, c'est OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Nous prions en nous inspirant sur les Saintes Écritures. Oui, cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevicolée.com. Si vous avez un frère, où qu'il soit, en Océanie, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, il faut lui donner ce site www.radiofréquencevie.com et il va cliquer là où c'est écrit « Prier avec OSB du jour ». Le passage du jour, c'est Jean 11, 39 à 44. Nous devons ôter nos pierres. La pierre, c'est tout obstacle qui empêche la main de Dieu d'agir dans ta vie. Cette année, Dieu te dit « Il faut ôter la pierre ». Prie le Seigneur pour qu'il t'aide à ôter cette pierre. Demande-lui pardon. Dis, Seigneur, je vais ôter la pierre. Je ne veux plus être un obstacle à ta bénédiction. Prions le Seigneur au nom de Jésus. La force dans la prière, opération sur la brèche. Très excellent Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te rendons grâce ce matin, ô Père éternel, pour tous tes bienfaits. Merci Père éternel pour la joie que tu maintiens en nous chaque jour et la paix que tu nous accordes. C'est un privilège pour nous d'être appelés enfants de Dieu. Ce matin, ô Père éternel, nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons que par ton Esprit Saint, tu nous donnes l'opportunité de nous épanouir intégralement au cours de cette année 2016. Que tout obstacle, que tout blocage à notre épanouissement soit ôté au nom de Jésus-Christ. Je prie, ô Père, et je me tourne vers toi en toute humilité. Je demande pardon au Père éternel pour tout ce que j'ai fait qui ne t'honore pas, pour tout ce que j'ai fait contre mon prochain qui ne t'honore pas et qui n'est pas un modèle, une référence en tant qu'enfant de Dieu. Je demande pardon en toute sincérité et en toute humilité. Tu as dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Père éternel, je te dis merci parce que mes péchés sont pardonnés, parce que mes transgressions sont remises au travers du sang de Jésus-Christ. Et je déclare qu'en cette année 2016, ta grâce, ta faveur m'environnant vont m'environner et m'accompagner dans tout ce que j'entreprendrai. Je déclare au Père éternel l'élévation et je proclame également que je serai un modèle, une référence dans tout ce que j'entreprendrai, contribuant ainsi à l'avancement de ton œuvre et reculant les œuvres des ténèbres, le royaume des ténèbres. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi, une foi dynamique, une foi qui ose, une foi qui pose des actes concrets, une foi qui obéit. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, moi je vais obéir. Je vais croire que tu es capable de me délivrer. Tu es capable de me guérir. Tu es capable de me donner un mari. Tu es capable de me donner une femme. Cette année, tu es capable de me donner la promotion. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Toi la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation, la majesté. À toi la gloire, le Dieu des signes, le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles. À toi la gloire, notre Goël, notre guerrier, notre puissant guerrier, notre rocher, notre abri. Ô Seigneur, à qui irons-nous si ce n'est vers toi qu'il y a les paroles, la vie éternelle. Sois béni. Donne-nous ce matin cette foi inébranlable, cette foi qui s'engage comme la foi d'Abraham, ô Seigneur, comme la foi de Jérémie, comme la foi de Daniel et de ses amis, comme la foi de David. Donne-nous la foi, Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Seigneur, sans la foi, rien ne peut se réaliser. La foi nous amène à nous lever. La foi nous amène à proclamer. La foi nous amène à saisir ta parole. La foi nous amène à investir le camp de l'ennemi. La foi nous amène à prophétiser la foi. Ce matin, nous te la demandons comme tu nous l'as dit dans ta parole. Et nous croyons, Seigneur, que cette foi, tu nous la donnes cette année. Et on cesse de dormir, on cesse de gémir, on cesse de se lamenter et de croire, s'avancer que les choses vont se réaliser. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, le fils d'un homme qui chante ses paroles. Au nom de Jésus, amen. Amen. Jésus a le pouvoir de faire sortir nos Lazare du tombeau. Quel est ton Lazare qui est enfoui, qui semble pourrir? Ça peut être ton arriéré de salaire, ça peut être un financement, ça peut être une situation difficile, une maladie qui perdure, ça peut être ton fils, ton mari, ta femme. Tu vas dire, Jésus, dis un seul mot, que mon Lazare sorte cette année, que mon Lazare qu'on a enterré puisse sortir au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Nous t'élévons, nous te magnifions, le Dieu ressuscité. Merci parce que la résurrection est encore possible. Tu l'as fait pour Lazare. Et je crois que en cette année 2016, quelqu'un reçoit la résurrection de sa santé au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, en cette année, je prophétise que quelqu'un reçoit la résurrection de ses affaires au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un reçoit la résurrection de sa famille, de son foyer au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un reçoit la résurrection de son âme. Quelqu'un se donne miraculeusement à Jésus-Christ parce que son père ou sa mère prie pour lui, pour elle. En cette année, je vois une multitude qui s'adonne à Christ, qui abandonne leurs œuvres, qui abandonne leurs pensées malsaines, qui abandonne leurs péchés, leurs iniquités et se dédie entièrement à la volonté de Dieu, se dédie au service de Dieu. Cette année, le Lazare de quelqu'un qui est le mariage enfoui, qui est dans les ténèbres, sort maintenant. Et je vois cette sœur qui est glorieusement mariée au nom de Jésus-Christ. Cette année, le Lazare de quelqu'un qui est l'enfantement, je vois ce couple avoir leur bébé miracle au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu rencontres quelqu'un au point de son besoin et son Lazare sort et le témoignage est vivant, le témoignage est glorieux au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous resterez toujours fidèles à l'émission OSP tous les jours. Mais nous voulons rappeler notre rendez-vous de dimanche. Oui, demain dimanche, nous aurons bonheur conjugal pour les célibataires. Et le dimanche qui va suivre, ce sera la rencontre de couples mariés. Mais pour demain, nous allons encore développer ce thème. Lève-toi pour entrer en possession de ton mariage. Nous allons prier pour le déblocage de la situation du mariage, pour qu'en cette année, ton mariage soit célébré. Ne manque pas ce rendez-vous. Ce sera à 17h au CPE, dans la même cour que la radio Fréquence Vie. C'était OSP. Au revoir et à bientôt. Du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange.